Chapitre 6. Bénarès, la ville sainte. Mistress Clark. Bram et Fakir. Le Gange et les Gôtes, illuminés en l'honneur de Bush Va Bungul. La mosquée d'Aurangzeb. Le temple de Durga, protectrice des sages. Le palais du Maharaja. Ses éléphants, sa dévotion à Durga. Le temple d'or de Siva, le lingam et les vaches sacrées, les ekkas, la baignade sacrée, la crémation des morts, départ pour Lucknow. 26 mars. Après avoir roulé pendant 20 heures à travers d'immenses plaines, aux champs de jute et d'opium, mouchetés de touffes de bambou, nous arrivons vers 2 heures de l'après-midi à Mogul Serai, d'où un embranchement nous conduit à la rive méridionale du Gange. Note, jute, plante de la famille des Tiliacées, représentant la plus grande valeur commerciale de l'Inde. C'est le chanvre asiatique. Fin de note. Au-delà de ce grand ruban bleu, Bénarès nous apparaît comme dans un brasier. Note, Bénarès, 175 000 habitants. Fin de note. Notre gari nous mène rapidement au fleuve, s'engage sur un pont de bateau semblable en moins bien à celui de Howrah, remonte péniblement la falaise poussiéreuse, traverse de longs carrefours poudreux et nous dépose enfin à Clark Hotel, à proximité des cantonnements anglais. Sous la véranda, la propriétaire de l'hôtel, une hindoue, attifée à l'anglaise, nous accueille très correctement. Cette mistress, Jude Réglisse, dont on nous avait déjà parlé à Calcutta, singe parfaitement les grandes et honnêtes dames d'exportation du Royaume-Uni. Elle en a le maintien, l'accent, le chignon cul de lampe, le couvercle en dentelle et les incisives exubérantes. Elle tient même à la main le Times, qu'elle lit d'ailleurs à l'envers. En dehors de ce léger ridicule, elle se montre si affable que, pour encourager sa manie, nous feignons de la prendre pour une fille des conquérants. N'a-t-elle pas, en réalité, acquis ce droit en épousant en juste noces le plus débonnaire des Anglais et en portant triomphalement la culotte, assure-t-on ? En pareil pays, c'est bien méritoire, surtout quand on n'y est pas forcé. Sans perdre de temps, nous sautons en voiture pour aller prendre un aperçu général de Bénarès, dont un petit kilomètre nous sépare. Cette ville célèbre est en pleine décadence, comme toutes les cités livrées exclusivement au fanatisme et à la superstition. La maxime « Aide-toi, le ciel t'aidera » est ici lettre morte. Aussi, le ciel s'en est allé du côté des Anglais. À quoi bon travailler? Que sert d'étudier? Pourquoi se soigner? Disent les Brahmes. On se piscine et on se repiscine. On sacrifie à Vishnu, à Siva, au Lingam, à Durga, aux singes, aux vaches, aux serpents. À quoi sais-je encore? Mais les trônes s'effondrent, mais les palais croulent, mais les maisons tombent, les récoltes manquent et les maladies pullulent. Qu'importe, tout est sauvé. Ne vient-on pas d'édifier un nouveau reliquaire ou de fétichiser une nouvelle bête, Nook et Rudimini? Nulle part, en effet, Brahme, Fakir et Santon n'étalent plus complaisamment leur paresse et leur malpropreté. Certes, cette cour des miracles asiatiques n'a rien à envier comme saleté à la réputation de l'ancienne. Les piscines purificatoires, surtout, sont une puanteur à foudroyer les malheureux qu'on y plonge et les araignées cérébrales des patients doivent être entoilées d'une façon toute spéciale pour résister à de pareilles douches. Afin de perpétuer cet état de choses, par exemple, d'en haut, un antique usage veut que chaque prince appartenant à la religion brahmanique possède à Bénarès un palais habité seulement à l'époque des fêtes religieuses. tout en nous contant son boniment, notre guide nous conduit au bord du Gange. Là, il nous fait admirer ses demeures royales à demi incendiées par le soleil couchant. Qu'on se figure un gigantesque parapet de palais où tous les ordres de l'architecture hindoue sont représentés, ayant pour talus d'escarpe les Ghâts aux larges marches de pierre et pour fossé, ou plutôt pour miroir, le Gange, et l'on aura une idée approximative du spectacle dont nous jouissons. Afin de rester dans la vérité absolue, j'ajouterai que la plupart de ces habitations princières sont des façades et des placards monumentaux plutôt que des palais, et que l'intérieur est loin de répondre toujours à l'extérieur. Ce sont les sépulcres blanchis de l'Évangile. Les hindous de Bénarès me paraissent supérieurs physiquement aux Bengalis de Calcutta. Cela tient sans doute à la grande quantité de brahmes. En revanche, les femmes sont rarement jolies, mais quel qu'aucun dieu elles possèdent. On dirait même qu'elles ont peur de nous aveugler en s'en servant vis-à-vis des nôtres. La plupart, en effet, détournent la tête à notre vue et ramènent gracieusement un bout de leur voile sur leur visage. Il ne faudrait cependant pas s'exagérer outre mesure de la pudicité de ces dames. Nulle part nous n'avons encore vu une foule aussi timide. Les babous et les gens de caste nous saluent avec déférence. Les charrettes haletent, les écasses se détournent, les noirs policiers, ornés de superbes turbans et armés de casse-têtes respectables, s'hypnotisent devant nous, et comme nous descendons de voiture pour parcourir les rues en amateur, au cri « Sahib, Sahib !» Répété de bouche en bouche, une allée se trace comme d'elle-même devant nos pas, au milieu de cette foule humaine. Note « Écasse, petite voiture du pays. » Fin de note. Seul un cheptel de bœufs sacré, avachi au milieu de la rue, dédaigne de nous céder le pas. Nous évitons avec soin de le bousculer, car ici encore, plus que partout ailleurs, dans l'Inde, maxima debetur bovi reverentia. À la tombée de la nuit, nous nous offrons une reprise de bayadères. Elles sont tout aussi monotones que celles de Villenour, mais moins convaincues et encore plus couvertes de bijoux. À notre arrivée à l'hôtel, Mistress Clark avait expliqué à nos boys que la cité sainte était en liesse pour 3 jours en l'honneur de la fête du Bhushvamungul et que le programme comportait à minuit l'illumination du Gange. Nous étions également prévenus qu'un des bateaux du Maharaja serait à notre disposition. Note. Bhushvamungul, fête annuelle du grand jeudi. Fin de note. Donc, à 11h, nous gagnons les bords du fleuve et les Ghâts regorgeant déjà d'une fourmilière humaine d'où se dégage un bruit assourdissant et une grande variété d'émanations. Nous avançons presque portés par la foule qui toutefois s'écarte avec déférence quand elle nous reconnaît. Tout à coup, 6 énormes éléphants, brillamment pomponnés, surgissent brusquement de la nuit, puis s'y replongent pour réapparaître encore, selon le caprice du va-et-vient des torches. On dirait d'une hallucination. C'est la garde de l'embarcadère d'honneur. Nous arrivons en pleine lumière. Les éléphants saluent de la trompe. À leurs pieds, un grand bateau carré, surchargé de dorures, de girandoles, de lanternes et surtout de miroirs, nous présente sa passerelle. Nous la franchissons. Aussitôt, des gardes à turbans amarantes, rayés d'or, s'inclinent respectueusement. Des serviteurs s'empressent de nous présenter des sièges et enfin, un superbe intendant vient nous offrir avec une grâce extrême des bouquets de roses. Suis-je Néron ? Et va-t-on brûler Rome ? Peut-être. Eh bien, soit. Esclave, apporte-moi des roses. Le parfum des roses est doux. Et que la fête commence. Mon hallucination est de courte durée, car notre guide vient nous expliquer péniblement que Son Altesse le Maharaja, ayant perdu son frère dans la journée, ses bateaux ne prendront pas part à la fête, et que celui à bord duquel mon imagination bat la campagne appartient à un riche magistrat hindou. Nous abandonnons immédiatement cet esquif hospitalier au grand désespoir du majordome, des gardes et des invités, et nous gagnons le milieu du fleuve dans un caïque public. Rien ne peut donner une idée du merveilleux spectacle qui se déroule à nos yeux pendant que, dans la nuit étoilée, nous glissons lentement sur le Gange. Des myriades de torches et de lanternes éclairent la foule diversement agitée, inondant les gradins en amphithéâtre et les innombrables embarcations aux formes emblématiques. L'onde frissonnante reflète et multiplie ses mille lueurs, et la sombre muraille de palais couronnant les gouttes semble éprouver par instants de fantastiques tressaillements. Tout à coup jaillissent de toutes parts fusées, serpenteaux et soleils, tandis que les feux de Bengale enflamment l'étrange panorama de leur clarté sanglante. À mesure que mille de ces feux s'éteignent, mille autres éclatent. Les palais ne tressaillent plus, ils s'agitent, ils prennent part à la fête. Tout est en feu, la ville, le peuple, les flots, le ciel lui-même. Décidément, c'est bien l'incendie de Rome. Allons, qu'on m'apporte des roses. Repos pour la folle du logis. Au milieu de cet embrasement et devant cet immense troupeau de spectateurs, sur de grandes birèmes, des bayadères exécutent leurs danses les plus savantes. Sur d'autres, de jeunes enfants, possédés du dieu ou possédant plutôt nombre de vers d'arak, hurlent de saintes rhapsodies en convulsionnant leurs yeux, se tordent, se pâment, puis tombent finalement en extase feinte entre les bras des prêtres. Plus loin, des acteurs affreusement grimés se livrent à d'inexplicables contorsions. Plus loin encore, un orchestre bizarre mène un tapage diabolique, et au-dessus de tout ce miroitement d'êtres et de choses, le ciel, de plus en plus étincelant, fait pleuvoir sur nos têtes, à travers l'azur de la nuit, sa merveilleuse jonchée de rubis, de diamants et de topazes. À 2 heures du matin, nous descendons à terre et nous regagnons nos pénates. 27 mars. Dès l'aurore, nous nous rendons en barque au pied de la mosquée d'Aurangzeb, célèbre par la hauteur sans pareille de ses deux minarets fusiformes. Ensuite, nous passons en revue toute une série de reliquaires, de pagodes, de temples et de puits sacrés, auprès desquels, sous de grands champignons sculptés, des santons, dégoûtants, coiffés de couvre-chefs plus haut qu'eux, excitent les fidèles récemment piscinés à encourager leur idiotisme réfléchi. En somme, malgré ses odeurs, ce quartier peuplé comme une lapinière est très curieux à étudier, car nulle part il existe deux rues aussi étroites et aussi zigzagantes. C'est un véritable labyrinthe. Je crois même que, sans notre guide, nous y serions encore. Après le déjeuner, nous allons visiter, en dehors de la ville, le temple de Durga, épouse de Shiva et protectrice des singes. Ce temple consiste en un dôme central, entouré d'un quadrilatère de murailles à colonnettes et en un lac sacré. Le dôme, peint en rouge, est très habilement fouillé, mais les portes massives, en cuivre ciselé, sont surtout remarquables. À notre vue, un peloton de singes, qui causait de choses et d'autres, avec des prêtres, se déploie en fourrageurs, et chacun d'aller se percher sur les clochetons, les colonnes et les arbres extérieurs. Affublés des inévitables colliers de fleurs jaunes, nous offrons à ses protégés de la femme à Shiva un régal de noisettes qu'il grignote avec force grimace, tout en surveillant les moindres tressaillements de ma canne. Puis nous nous faisons conduire vers le palais d'été du Maharaja, situé sur la rive méridionale du Gange, à quelques kilomètres seulement du point où nous sommes. Une belle allée d'arbres nous amène bientôt au bord du fleuve. À l'ombre de ces arbres est campé un détachement de la garde du prince, ainsi que des éléphants et quelques dromadaires. Je constate que les cavaliers laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la tenue. Les revues de détail et de propreté sont évidemment inconnues ici. Les harnachements sont sales, les ors des étriers et des brides sont craqués en maint endroit. Les aciers sont niellés de rouille et les caparaçons ont presque autant de trous que de galons. Je m'inflige mentalement 8 jours d'arrêt au chef du détachement et en réponse à son salut. Puis nous montons ensuite en bateau et 2 superbes noirs armés de longs bambous nous conduisent à la rive opposée. À côté de nous, sommeille sur l'eau un paon gigantesque. C'est le caïque du Maharaja, l'oiseau de Juno, étant le modeste emblème de ce prince. Cette embarcation a dû être superbe quand elle était neuve. Les dés du trône, de coupe très élégante, sont recouverts de brocarts d'or et les rameurs sont richement enturbanés. Malheureusement, tout cela est fané et manque d'entretien. Les rames sont dépareillées, la brillante aigrette du paon incline à gauche et plusieurs yeux de sa queue ont disparu. L'Indien est incapable d'entretenir ou de réparer quoi que ce soit. C'est la marque distinctive de son caractère, comme dans un autre ordre d'idées, la caractéristique de la femme indienne est de ne pas savoir embrasser même ses enfants. Mais je sors de mon sujet, autant. Du point de vue où nous sommes, la masse rose du palais, nettement détachée de la falaise sablonneuse, fait un superbe effet sur le ciel bleu pâle. Notre objectif atteint, nous pénétrons dans l'intérieur d'une première cour par une porte monumentale assez laide. Les soldats de garde, chaussés de godillots qui ont l'air, entre parenthèses, de les faire crânement souffrir, rectifient tant bien que mal leur position précaire, sans nul doute. Puis un vieux babou, intendant du palais, nous introduit après force salam. Le molar exotique est très aimable. Jugez-en. Afin de nous faire connaître immédiatement son degré d'instruction, il lit à haute voix nos noms sur nos cartes, ce qui paraît être le suprême du genre. S'il nous avait passé son carton, nous aurions été légèrement embarrassés d'en faire autant. Sans décrire ni détailler les nombreux appartements de cette demeure royale, je me résume en disant que quelques-uns sont très beaux, que beaucoup sont médiocres et que le grand balcon Bow Window, en marbre blanc sculpté, dominant le fleuve, est la plus belle chose du palais. Comme revers de la médaille, il nous faut admirer les boîtes à musique qui déshonorent la grande salle de réception. Le babou tient absolument à les faire sonner toutes successivement. Oh, mes nerfs ! Ce n'est pas fini. Après la reprise des serinettes, vient le tour des portraits, à l'huile ou au beurre, des grands personnages anglais peinturlurés par des barbouilleurs. Irlandais, à coup sûr. Valpurgis des croûtes. Salut ! En regagnant la porte de sortie, l'excellent et naïf intendant nous fait remarquer avec complaisance une batterie de gros canons dorés à âmes lisses et à parois minces, puis une pile d'obus aussi peu catholiques que ceux qui les ont donnés. « Car c'est un récent cadeau, nous dit-il. » En échange de ces bons procédés, nous recommandons à ce vieillard de ne pas se tenir trop près de ce joujou de guerre quand on s'en servira. Et après lui avoir serré la main, nous nous rendons au Kraal par un chemin poussiéreux bordé de cactus. 14 magnifiques éléphants, enchaînés par un pied, y sont présentement. Chacun d'eux est entouré de la famille de son mahout qui lui prodigue ses soins. L'un des plus grands passe son temps à se jeter des poignées de paille sur le dos en guise de poudre de riz. S'il ne s'empaille pas de la même façon, ce n'est certes pas faute de l'essayer. Pendant ce temps, l'un de ses boys lui frictionne la culotte avec un pavé en pierre ponce et trille de ses pachydermes. Tout en regagnant la rive opposée du Gange, nous assistons au tub en plein fleuve d'un deuxième lot d'éléphants, ou mieux, à une comique séance d'hydrothérapie mutuelle appliquée à grand renfort de trompe. Près du temple déjà vu de Durga, règne cette fois-ci une animation anormale. Des estafettes affairées sillonnent la route en tous sens. D'autres cavaliers entourent un étendard bleu de ciel lamé d'argent. Plus loin, quatre éléphants obstruent le passage de leur croupe ridée à salsifis poilus. C'est évidemment une promenade princière. En effet, nous sommes au beau milieu de l'escorte du Maharaja, venu en pèlerinage prier Durga et ses protégés Kadruman pour le repos de l'âme de son frère décédé la veille, ainsi que je l'ai dit plus haut. Allons, messieurs les singes, un bon mouvement, s'il vous plaît. Devant notre équipage, la cohue armée s'écarte. Les éléphants, revêtus de brillants oripeaux, s'alignent sur la place pour nous laisser passer. Leur mahout s'incline et le quatuor de trompe s'élève à l'unisson pour rendre les honneurs dus à nos visages pâles, ce à quoi nous répondons gravement. À 5 heures, nous sommes de retour à Bénarès. Décidément, Naples ne peut pas lutter avec la présente cité au point de vue de la multiplicité des monuments religieux. Ici, leur nombre se chiffre par 3000 et j'en compte 21 dans la même rue. À Bénarès, d'ailleurs, sauf les femmes, tout est sacré. Les vaches, les lapins, les singes, les serpents, les pigeons eux-mêmes et au sommet de presque toutes les pagodes, comme au-dessus de beaucoup de maisons, se dressent de hauts perchoirs pour ces volatiles que d'aucuns trouvent bons aux petits pois. Monsieur Coteau, dont j'ai toujours l'excellent livre en main, nous signalant le temple d'or de Siva, dédié au Lingam, comme très curieux, nous nous y faisons conduire. Note, Lingam. Dans presque tous les temples et pagodes de l'Inde, outre le dieu ou l'incarnation divine, y adoré spécialement, on vénère en plus le Lingam, emblème de l'énergie créatrice. Fin de note. Les Lingams reposent dans une pagode surmontée de 3 dômes élégants. Les mitres des 2, plus élevées, sont recouvertes de plaques d'or, merveilleusement repoussées et ciselées. La cour intérieure sert en outre de box aux génies sacrés. Au moment où nous pénétrons dans cette révendissime vacherie, une foule, secouée d'un pieux délire, se presse autour des Lingams pour y déposer des pétales de fleurs et les oindre de beurre fondu. Mais les plus dévots se ruent spécialement sur les mammifères encornés, presque tous atteints de maladies de peau, et recueillent avec une avidité révoltante les excréments que ces bêtes échauffées veulent bien laisser choir immodérément. Comme nous haussons les épaules de dégoût à ce spectacle, à mon côté même, une jeune hindoue exceptionnellement jolie pousse l'hystérie religieuse jusqu'à boire gloutonnement un liquide innommable à la plus naturelle des sources. C'en est trop, nous bousculons cette cohue de fanatiques dégoûtants et nous regagnons, malgré les tiraillements des brahmes implorant leur bakchiche, les rues tortueuses et puantes de cette cité où les dernières limites de la bêtise humaine semble avoir été atteinte au titre de la religiosité. Je n'ai rien dit encore des Ekas. Ces petits véhicules méritent cependant une mention spéciale. Ils consistent en 2 brancards arc-boutés vers la sellette du porteur et fixés d'autre part aux 2 extrémités de l'essieu, formant ainsi une voûte convexe et triangulaire au-dessus des roues. Une sorte de bât souvent surmontés d'un dé aux couleurs vives, recouvrent leur écartement. Trois indigènes trouvent facilement à se caser sur ces voitures à poupées, très remuantes, très penchées en arrière et que traînent tant bien que mal un petit bidet du pays. 28 mars, la baignade sacrée et la crémation des morts sont les deux spectacles les plus attrayants de Bénarès. Aussi les avions-nous réservés comme dessert. Donc, dès le lever du soleil, une barque commandée la veille vient nous prendre à l'une des nombreuses déchirures de la berge du Gange. Confortablement installés sur des sièges en rotin et protégés contre les ardeurs du soleil par nos casques et par nos ombrelles, nous nous laissons aller au courant. Celui-ci nous amène bientôt vis-à-vis d'Ego, grouillant déjà de peuple. On ne peut rien imaginer de comparable au remous étincelant produit par les traînées interminables d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'écoulent des 1000 portes de la ville et se répandent sur les gradins conduisant au fleuve. Dire les innombrables combinaisons de couleurs étalées sur les gouttes est impossible. Tout le spectacle solaire est là, en fusion sous nos yeux, ruisselant, se décomposant, se multipliant, comme un vivant kaléidoscope dont les seules ombres sont les torses de bronze et les chevelures d'ébène à reflets bleus. Mais ce qui nous frappe surtout, au milieu de cette aveuglante accumulation de coloris, c'est la gracieuse souplesse des femmes et la dignité de leur démarche, quand elles descendent ou qu'elles gravissent les marches roses en soutenant de leurs beaux bras cerclés d'or et d'argent leurs amphores ensoleillées. Dussé-je être accusé d'exagération, j'ajouterai que Phébus enlumine tellement cette stupéfiante féerie de son incandescente livrée que même les brames ventrues distribuant aux fidèles les fleurs purifiées ou balafrant les fronts et les poitrines des signes symboliques nous paraissent majestueux et que les grotesques idoles vautrées bêtement dans leur pagne de pierre nous semblent animées. Enfin, si le lecteur me trouve encore trop enthousiaste, il m'excusera en songeant que cet étrange tableau a pour cadre. En haut, la muraille des palais, cloisonnée de figuiers séculaires et les cimiers d'or des pagodes. En bas, le fleuve bleu pervenche, reflétant à l'infini ce resplendissant et unique amphithéâtre et comme point de fuite vers l'Orient poudré d'or, le palais du Maharaja, ce roi déchu qui a le pain pour emblème et un médecin anglais pour gardien. La baignade du Gange étant tout à la fois un acte religieux et une lessive personnelle, chacun d'où, en arrivant au fleuve, fait longuement ses ablutions, prie avec ferveur, lave ses vêtements, remplit d'eau sacrée son vase de cuivre poli et remonte les hautes marches sans qu'aucune plaisanterie et sans qu'aucune dispute ne vienne troubler la cérémonie lustrale. Chacun s'acquitte égoïstement de son devoir, sans s'occuper de son voisin. À peine quelques-uns, des moins dévots, évidemment, semblent-ils s'apercevoir de notre présence. Néanmoins, les femmes, qui nous laissent voir le plus de découvert, sont toujours les mieux faites ou les plus vieilles. Coquetterie et indifférence. À l'extrémité est des Gautes, deux kiosques ruinés encadrent l'emplacement consacré aux ablutions des veuves. Ces ex inconsolables qu'ont flambé autrefois au temps des regrets éternels se contentent aujourd'hui de s'éteindre préventivement. En voilà qui ne doivent pas regretter le vieux jeu. Abandonnant la pieuse lubrification, nous atterrissons en face d'un enfoncement de la berge, d'où s'élève une mince colonne de fumée. C'est là qu'entre deux plateformes écroulées, on brûle les morts. À nos pieds même, des hindous recouvrent de bûchettes jaunâtres un cadavre étendu sur un bûcher élevé à peine de quelques centimètres au-dessus du sable fangeux et noir. La tête et les pieds dépassent seuls la couchette. restreinte outre mesure par la parcimonie bien connue des artistes flambeurs. Plus loin fument des restes informes, au milieu desquels je distingue un crâne et une main non encore consumés, toujours faute de combustible suffisant. Un nouvel holocauste arrive bientôt au trot de ces 6 croque-morts. Nous lui cédons la place, mais quoi qu'on en ait dit, si l'odeur de cette cuisine mortuaire n'ouvre pas démesurément l'appétit, elle n'a rien d'insupportable. Pour achever notre matinée, nous visitons plusieurs temples dédiés pour la plupart à Siva, qui nous paraît avoir enfoncé ici son collègue Vishnu. Puis nous retraversons le quartier des Bayadères, dont les troublants regards méritaient mieux qu'une rapide inspection. Après le tea fine, tandis qu'étendus sur nos grands fauteuils, nous tâchons d'aspirer l'haleine factice des punkas, un cercle de prestidigitateurs, de jongleurs et de charmeurs de serpents se forme autour de nous. Note: punkas, ce qui rend aux Indes la chaleur intolérable, c'est moins l'élévation exagérée de la température que l'humidité et la raréfaction de l'air. Fin de note. Ces artistes sont en général d'une adresse inouïe. Cependant, le tour du manguier, consistant à faire sortir en quelques minutes un arbuste d'un noyau de mangue, ne mérite pas la réputation exagérée qu'on lui a faite. La représentation se poursuit par un combat sanglant entre une mangouste et un serpent. Mais l'heure du départ a sonné et à 5 heures, nous dévorons l'espace qui nous sépare de Lucknow. Fin du chapitre 6.